se réjouit de ta force, ô Éternel. Et combien ton salut fait son allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé la prière de ses lèvres. Tu es allé au-devant de lui dans ta bénédiction. Tu as posé sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, des jours sans fin, sous ton amour. Rendez sa gloire à cause de ton salut, tu le revêts d'éclat et de majesté. Tu fais de lui un sujet. Je sais.